Oh ouais, mais comme dans le domaine communiste, les personnes s'accusent elles-mêmes publiquement. Ouais, l'autocritique. Oui, exact. C'est un rituel d'humiliation. Mais là, moi, je dis, bon, là, tu vas faire ton autocritique. Non, mets-moi une balle dans la tête. Ben, de valeur. On donne tellement de valeur à notre vie d'une façon superficielle qu'on est prêt à se prostituer puis à manger de la marde à terre puis à ramper là, dans la marde. À un moment donné, c'est parce que ça vaut pas la peine tant qu'à moi. Fait que, tu sais, je parle pas qu'il faut être autodestructeur puis se sacrifier, c'est pas ça que je dis, là. Mais moi, je trouve que ça vaut pas la peine. C'est pour ça que je te disais, il y avait un certain traitement que s'il rendait ça obligatoire, puis il me mettait un fusil sur la tempe, il me disait, tu choisis, je retire. Puis, c'est même pas une affaire de que j'ai peur pour ma vie, c'est une question de principe. Parce que si tu oses faire ça, tu prouves que j'ai raison. Puis, de toute façon, de la façon que je vois ça me fait pas peur, moi. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai tout le temps été contre le suicide, puis même, bon, je trouve que c'est banalisé pas mal, mais, puis je suis pas suicidaire, puis je compte ça, mais j'ai pas peur de la mort. Ça me fait pas peur, ça m'inquiète pas. Tant que j'ai rien sur la conscience, puis pourquoi ça m'inquiéterait? Puis même s'il y a rien, ça m'inquiète pas, je veux dire, avant mon existence, j'ai pas de souvenance de choses souffrantes. Donc, s'il n'y a rien après non plus, bon, pourquoi j'aurais peur de rien? Dans le sens que tu ne souffres pas, mais c'est que les gens ont peur de l'inconnu, tu sais. Les gens ont peur de plus jouir. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de souffrir ou de plus jouir. Parce que ce sont des animaux polarisés par des pulsions. Le renforcement positif, négatif. C'est pour ça qu'un animal, c'est le même que tu le dresses. Mais ça veut dire que du monde, ils sont à un stade animal. Ben, c'est sûr que quand on le regarde entre la personne qui se ramasse au paradis avec 72 vierges dans la jouissance sexuelle versus l'autre qui se ramasse dans les flammes de l'enfer et les feux, la Là. Tu souffrance. sais, puis là, à part ça, t'as les limbes Oui, qu'on dans sait pas deux trop. mondes. On Oui, c'est sait pas ça. trop. Sais, moi, je sais pas, là, je trouve qu'on est mené par justement notre animalité beaucoup. C'est pas. Il y a une grande partie que c'est pas nous autres qui décident, mais on n'est pas obligé de faire exprès. Dans le fond, là. Il s'agit juste d'être honnête, d'être clair, puis d'arrêter d'appréhender, puis d'avoir peur. On est mené par ça. On est mené par plaisir, déplaisir, peur, crainte, confiance. Ou espoir. Ben oui, mais c'est toutes des affaires. C'est de la manipulation. Moi, je le vois de même. Plus que tu es sensible au sens. Dans ce sens-là, ben plus tu vas être manipulable, pas au sens sensitif ou les sens, là, mais plus tu es sensible au sens de la crainte ou de la confiance ou de la peur ou de la jouissance ou de la souffrance, puis t'es faite, quelqu'un va pouvoir. C'est pour ça, moi, il y a du monde qui est des lanceurs d'alerte, là, j'ai pas confiance. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants, entre autres. Parce que connaissant la psychologie humaine, j'ai pour mon dire, admettons qu'il arrive une gang, là, ceux qui mènent pour vrai, qui disent, tu vas faire ce qu'on te dit, sinon ton enfant, là, on va le passer à torche à souder. C'est ceux qui vont obéir. Quitte à faire mourir les enfants des autres. Tandis que moi, de la façon que je vois ça, mais là, tu sais, c'est dur à dire, parce que moi, j'en ai pas d'enfant. Mais c'est ça, tu seras peut-être pas Mais atteignable par rapport. j'ai des proches pareils. Ben, Ouais. si on me disait, si tu fais pas du mal à des milliers de personnes, on va tuer tes proches. Moi, la logique à moi, c'est que ça, la vie d'un grand groupe de personnes vaut plus que quelques personnes. Je suis pas pour faire souffrir t'sais, des milliers puis des milliers de personnes sous prétexte de préserver 4-5 personnes. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai que je me laisserais manipuler de même. J'en ai pas question. Je dirais que vous. Non, non. OK, vas-y. Je les aime, mes proches, puis tout. Mais c'est pas une raison pour. Voyons, je vais pas me laisser faire de même, dans le fond. Puis c'est peut-être qu'il m'en voudrait, puis tout. Mais qu'est-ce que je te dis? À mes yeux, c'est ce qui est le plus logique. T'sais? Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je me rappelle un gars, et il avait tué sa conjointe, puis les parents du gars, ils l'avaient aidé à cacher le corps, puis à camoufler le crime. Mon père, il regarde ça, puis tout. Puis j'ai dit, je comprends pas. Tu moi, avec les parents, je l'aurais dénoncé moi-même. J'aurais immédiatement appelé la police. Mon fils vient de tuer sa conjointe. Venez le chercher. Mon père, il me regarde, il dit, t'es pas normal. Puis j'ai dit, avoue-moi jamais rien de grave. Fais bien attention. Parce que moi, la logique, ce serait, si c'est ben vraiment grave, ce serait tout de suite d'être dénoncé. Puis il me disait, t'es pas normal. J'ai dit, ben tant mieux. Puis lui, il était policier. C'est ça qui est important de préciser pour les gens qui nous écoutent, parce que quand la personne est policière, on va s'attendre à un haut niveau d'intégrité. Oh, c'est pas ça, moi, que j'ai constaté dans ce Non, milieu-là. je sais, c'est pour ça que je fais exprès de dire ça, parce que je sais qu'ils sont pas un paradoxe près, là, les corps policiers, là. À un moment donné, il était pas loin de mourir. Tu sais, c'était avant qu'il meure. Oui. Il savait qu'il allait mourir. Puis là, il était parti à me dire des affaires. Puis à un moment donné, il est arrivé à des affaires. J'ai dit, je veux pas le savoir. J'ai dit, je veux pas le savoir, ta gueule. Parce que si tu me dis ça, puis certaines affaires, puis tout, moi, je vais rendre ça public, ta gueule. OK? Parce que c'est moi qui vais être dans la merde. Parce que moi, j'aurai pas le choix. Parce que de la façon que je fonctionne, je vais sentir que j'ai le devoir de. Fait que dis, fais bien attention à ce que tu me dis parce que tu pourrais gâcher ma vie puis me mettre dans la merde. Parce que si tu m'avoues des affaires graves par rapport à d'autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait ci, puis ça, puis ça, moi, je vais me sentir responsable de le rendre public. Que c'est mon devoir. Je serais pas capable de faire autrement Donc, tu es parce que je suis de manipulé même. pour être un serviteur du collectif qui agit par devoir. Ben non, David. Tu comprends pas que ta vie a pas autant. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une question de logique. Pas de sentiment, pas de crainte, pas de peur, c'est une question de logique. Faut être logique. Puis, moi, ça va tout le temps être plus important pour moi que ma propre vie, que ma propre existence. Puis, à un moment donné, j'ai une primeur que je t'annonce, j'avais appliqué pour. Pas une primeur, mais en tout cas, je nommerai pas quoi, ma blonde, elle le sait. Et j'avais appliqué pour une agence de renseignement, travailler OK. pour eux autres, mais j'ai pas passé le test psychologique. Parce que la minute que je suis plus d'accord, ils se doutaient que j'allais tout rendre public. Si tu me demandes de faire de quoi, puis que ça va, selon moi, que ça va contre les intérêts du public, puis tout, je le ferai pas. Puis non seulement je le ferai pas, je vais me retourner contre vous autres, puis je vais tout rendre public. Ils l'ont compris, ça. Ils l'ont compris, ça. Je peux pas faire autrement. Je suis pas capable de faire autrement. Parce qu'à mes yeux, ça serait pas logique d'agir. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tu étais assujetti à une programmation. Non, David, ça n'a rien à voir. C'est justement parce que je ne suis pas assujetti. Le bien-être commun là, du plus grand nombre vaut plus que ton bien-être. Puis si tu préserves ton bien-être au détriment du bien-être de la société, tu es une vidange tant qu'à moi. Ta valeur est dans le négatif. Elle est dans le négatif. T'es mieux de faire de quoi de bien de ta vie, puis pas faire de mal, Mais puis en de fait, crever jeune que de vivre longtemps, sans puis tomber dans l'autre qu'ils extrême, soient pas capables. sans tomber dans l'autre extrême, le point que je veux faire, c'est que t'as pas à te sacrifier pour le collectif comme Jésus. C'est pas ça l'affaire, David. Je te dis que c'est pas une question de ça, c'est une question de logique. Il y a des choses au-delà de moi. Il y a les autres. Tu sais, la conscience des autres. Faut que tu sois. Tu sais, c'est comme il y a du monde, ils sont au détriment des autres pour se préserver, mais tu sais, c'est des milliers de personnes. Que leur vie a été détruite parce qu'un individu voulait se préserver. Est-ce que tu trouves que ça a de l'allure? Non, je suis d'accord avec toi, mais en même temps. Pourquoi ça va mal, cette planète-là? Pourquoi c'est la planète des mangeux de marde, tu penses? Mais je suis de l'avis que l'individu n'a pas nécessairement pour autant à sacrifier pour le salut du collectif, surtout que le collectif n'a peut-être pas nécessairement la conscience d'être capable de l'apprécier. Ça n'a pas rapport avec ça, qu'il l'apprécie ou pas. C'est quoi qui est le plus logique? C'est quoi qui est correct? Chris, coudonc, êtes-vous des animaux? Moi, Non, c'est non. ça qui me décourage. Ça m'enrage même. Ça me choque. Ça me fait de la peine d'avoir ça. Puis je le vois pourquoi c'est de même. Tout le monde chiale, c'est pas drôle. Là. Ben oui, mais Chris, participe pas. Tu sais, dans le sens que c'est bien de valeur, mais à un moment donné, là, c'est pour ça que ça va pas. C'est parce qu'elle monte. C'est pas parce que. Si je te dis j'agirais de même, c'est pas parce que je suis programmé, c'est parce que justement je le suis pas. C'est de l'animalité. C'est de l'animalité, ces affaires-là. L'affaire qui fait là, que du monde vont se préserver, quitte à détruire la vie d'un paquet d'autres mondes, quitte à empoisonner le monde, c'est parce que c'est de l'animalité. Je suis d'accord pour dire que c'est en lien avec une forme d'instinct de survie, mais en La même survie n'est pas importante si c'est au détriment des autres. c'est ça, mais en même temps, sans pour autant vouloir nuire à autrui, à quel point c'est intelligent de se mettre dans le pétrin pour Mais non, dévoiler. je te dis, ça dépend du contexte. Bon. C'est si le contexte te force. Mais c'est sûr que si moi, admettons, je fais partie d'une patente, puis là, OK, on va mettre telle affaire dans l'eau pour rendre toute telle population stérile, puis toute. Puis si t'en parles, t'es mort. Ben Chris, je vais en parler pareil. Je vais en parler pareil. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ce qu'il y a de réel en moi est éternel, point. Puis il n'est pas question que je le perde. Tandis que vous autres, vous allez le perdre si vous faites ça. Puis si vous vous en rendez pas compte, c'est parce que Chris, vous n'avez pas de conscience, puis que vous êtes, dans le fond, des créatures matérielles. C'est ça, les robots. C'en est, ça, des robots. C'est des animaux mécaniques. C'est des animaux mécaniques. Pourquoi ça va mal? Pourquoi tout est corrompu, Chris? Parce que le monde, hostie, sont programmés comme des enfants gâtés, dans le fond, qui n'ont pas conscience des autres, puis ils veulent pas avoir conscience des autres, puis ils pensent juste à eux autres. Puis ils sont pas capables de voir au-delà d'eux. Sont pas capables de voir au-delà d'eux-mêmes. Puis après, quand ils ont, comme d'une certaine façon, ils vont au-delà d'eux-mêmes, puis tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en enorgueillissent. Puis là, ils se pensent qu'ils ont la sagesse puis l'humilité. Ça n'a pas de bon sens, ça. Puis sans s'en rendre compte, ils font des affaires stupides qui nuisent à tout le monde. Mais moi, la seule affaire, c'est au moins si tu fais rien de bon, fais rien de mal. Tu sais, enlève-toi de dingue. Exactement, nuit pas autrui à défaut de l'aider. Ben là, c'est puis à mes yeux, c'est pas une question de morale, c'est pas une question de sacrifice, c'est une question de logique. Ben, moi, je vois derrière ça une forme d'éthique, parce que tu vois, au niveau philosophique, différents logiciens qui vont avoir différents principes qui vont être derrière leurs actions. Ben moi, je te dirais que je pensais de même avant, de même de d'intellectualiser. OK. Quelqu'un là qui a peur de la mort au point de tuer du monde qu'il ne mérite pas, à mes yeux, il ne mérite pas de vivre. Point. Puis même s'il survit, puis tout, il va avoir une maudite belle vie, hein? Il va se sentir tellement bien, hein? Non, non. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à rien. Tu vas être malheureux le reste de ta vie. Ça, c'est si tu as la moindre petite conscience. Si tu continues à être heureux puis tout, ça veut dire que t'es pas un humain. T'es un animal. C'est comme il y en a eu, là. C'est comme Al Capone qui faisait sauter la dynamite ses compétiteurs, même s'il y a des familles qui vivent en haut des commerces avec des enfants. Ouais, il a dit pouf! Ce gars-là, Chris, moi, l'affaire que je pardonne pas, c'est qu'ils l'ont mis à Alcatraz pour des affaires d'électricité puis d'impôts. Voyons donc. Fallait que ce soit corrompu en maudit. C'est incroyable. Ça, il y a eu les incorruptibles. Mais moi, avec le temps, j'ai fini par me dire, ça j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'incorruptibles. T'sais, oui, je veux bien que le monde essaye de m'acheter, mais j'ai l'impression que si j'avais pris, il n'y a personne sur cette planète-là qui a les moyens. Parce que Moi, je veux que ça aille bien. Je veux que ça soit bien. Puis je veux pas avoir rien à me reprocher de grave.